Chapitre 34. Les matelas. Ophélie émergea dans le service administratif de la manufacture familiale Hildegarde et compagnie. Les lumières étaient éteintes, les locaux silencieux. Elle traversa la pénombre jusqu'à la lampe à piston, puis fouilla les tiroirs invraisemblablement profonds de la mère Hildegarde. Après quelques petites minutes d'inspection, elle trouva ce qu'elle était venue chercher, les dépliants de transport collectif que Thorne avait manipulés le matin même. Installée sous la lumière de la lampe, Ophélie laissa de côté le réseau des roses des vents métropolitains. Ces raccourcis n'avaient été installés que dans les plus hauts étages de la cité à ciel et elle les savait trop étroits pour des matelas. Elle déplia la brochure des lignes d'ascenseur de la cité à ciel. La manufacture se situait dans les bas-fonds de la ville, entre les égouts et les innombrables salles des machines. Pour des raisons de maintenance, plusieurs ascenseurs desservaient ces sous-sols et Ophélie n'avait pas le temps de tous les inspecter. Il lui fallait réduire au minimum son champ d'enquête. La manufacture ne disposait que d'un seul arrêt d'ascenseur. Les deux autres lignes, descendantes et remontantes, s'en desservirent cet étage. L'ascenseur de la manufacture ne permettait lui-même que d'accéder au niveau supérieur. Les voleurs de lits étaient donc forcément montés. Ophélie avait le début de sa piste, mais il lui manquait encore un signalement, une empreinte qu'elle pourrait suivre à la trace. Elle ouvrit la porte qui menait au hangar et se rendit sur la passerelle de l'escalier où Philibert l'avait poussée la nuit précédente. Dominant de haut les sablières qui s'alignaient dans les allées des lampadaires, Ophélie vit qu'il n'y avait plus aucune ombre derrière les rideaux de lit. Les sabliers bleus avaient déjà tous été retirés de la circulation. Elle se pencha par-dessus le garde-fou et chercha des yeux le monte-charge dont le chef d'atelier leur avait parlé. Il était beaucoup plus loin sur sa droite, hors d'accès, bloqué à mi-chemin entre le sol du hangar et une grande herse. « Actuellement en révision mécanique », avait dit le chef d'atelier. Mais ce ne devait pas être le cas au mois de mai, et Ophélie était certaine que les quatre lits volés avaient transité par lui pour quitter la fabrique. Restait à savoir où, exactement, débouchait ce monte-charge. Après avoir traversé le bureau, l'atelier, le vestibule, Ophélie atterrit dans la grande cour extérieure. Heureusement, la porte n'était ni verrouillée ni scellée par le garde des Sceaux. Des empilements de matelas usagés prenaient l'humidité ici depuis des années. Ce n'était évidemment pas ceux qu'elle cherchait. Elle longea les façades grises de la manufacture. Le service administratif et l'atelier jouxtaient un très grand bâtiment industriel. Ses hautes portes étaient fermées par une chaîne, mais Ophélie put jeter un coup d'œil dans leur entrebâillement. Elle devina, en fond de salle, la grande herse qu'elle avait aperçue depuis l'escalier du hangar. Voilà donc l'endroit précis que desservait le monte-charge. Les lits volés étaient passés par ici. C'était des matelas qui avaient occasionné un embouteillage d'ascenseur, pas des lits entiers. Les voleurs s'étaient probablement débarrassés des cadres, des sommiers et des baldaquins ici même, plutôt que sous les fenêtres de l'atelier. Elle fouilla le matériel usagé qui moisissait sur les dalles et finit par trouver une étoffe de mousseline, un rideau de lit. Il ne lui fallut pas longtemps pour mettre au jour des blocs de bois précieux de la même facture que les sablières du hangar. Ophélie déboutonna ses gants. Il n'était pas dans ses habitudes de lire sans la permission du propriétaire, mais il s'agissait de débris à l'abandon et sa charge de grande liseuse familiale lui autorisait d'exercer sur les biens publics. Elle sonda l'une après l'autre les pièces de lit. Comme elle s'y était préparée, les dernières personnes à les avoir manipulées étaient les voleurs eux-mêmes. Des impressions fulgurèrent dans son esprit tandis qu'elle plongeait dans leur perception. Des gants en cuir, des visages mangés de barbe, des respirations rapides, des coups d'œil répétés vers l'atelier à l'autre bout de la cour. Ils étaient trois, peut-être quatre. Elle ne pouvait pas pénétrer leurs pensées, mais ils se dégageaient de ces objets un état d'esprit bien particulier, une extrême vigilance, un certain sens de la méthode et beaucoup de tension nerveuse. Elle tenait son signalement. Un bruit la fit sursauter. Une hermine était en train de fouiner dans les décombres, sans doute à la recherche de nourriture. Par précaution, Ophélie sortit le monocle de Gaël de sa poche et, fermant l'œil droit, le plaqua contre le verre gauche de ses lunettes. Elle tourna plusieurs fois sur elle-même pour s'assurer qu'il n'y avait aucun invisible caché, aucune illusion piège. Puis elle se dirigea vers le seul ascenseur de l'étage. Consultant la brochure des lignes, Ophélie se rendit compte que cet ascenseur menait uniquement vers deux étages. D'après le plan et sa légende, l'un d'entre eux était un local sans issue consacré au stockage de charbon. Les voleurs s'étaient vraisemblablement rendus à l'étage suivant et, de là, avaient pris une correspondance. Elle actionna le levier, monta de deux paliers et déboucha sur une rue malodorante où un imbroglio de machines et de canalisations projetait des jets de vapeur brûlante. C'était maintenant que commençaient les choses sérieuses. Elle se trouvait à un embranchement de correspondance. Il y avait ici 5 arrêts d'ascenseur, en plus de celui où elle venait de descendre. Les voleurs de matelas avaient pu emprunter n'importe lequel d'entre eux. Ophélie n'avait d'autre option que de lire chaque cabine d'ascenseur pour retrouver leur piste. Elle fouilla ses poches de robe, gribouilla une note sur son calepin et la glissa dans le petit miroir à double face que lui avait prêté l'un des fabricants de sabliers. Si Renard avait bien gardé son propre miroir sous les yeux, il devait déjà être en train de lire ce message. « Tout va bien, je progresse dans mes recherches. » Ce n'était pas de la grande prose, mais au moins ça rassurerait toute la famille. Ophélie se dirigea vers l'ascenseur le plus proche et tira sur le cordon d'appel. Dans les étages inférieurs de la cité ciel, il n'y avait pas de groom qui circulait à horaire fixe. Tout au moins, Ophélie serait-elle à son aise pour faire ce qu'elle avait à faire. Une fois dans la cabine, elle inspira un grand coup et empoigna le levier d'étage à main nue. Elle se sentit aussitôt submergée, comme si un cortège de fantômes prenait possession de son être les uns après les autres. Elle fut tour à tour irritée, fourbue, excitée, préoccupée, fatiguée, agacée, émue, désabusée, impatiente, distraite, tourmentée, inquiète, vexée, démoralisée, lasse, sans qu'une seule de ses émotions lui soit propre. Ophélie avait déjà lu des objets du domaine public, mais rien qui fût équivalent à ce levier d'ascenseur levé et baissé plusieurs dizaines de fois chaque jour de chaque semaine, de chaque mois, de chaque année. Elle ne pouvait que remonter le temps à l'envers en espérant tomber, tôt ou tard, sur le signalement de ses voleurs. Lorsqu'elle finit par relâcher le levier, bredouille, elle mit quelques secondes avant de se rappeler qui elle était et pourquoi elle était là. Elle quitta la cabine, fendit les vapeurs chaudes de la rue et tira le cordon d'appel de l'ascenseur suivant. Nouvelle lecture infructueuse. Au troisième ascenseur, Ophélie dut s'octroyer une pause. Sa main tremblait et ses lunettes étaient devenues troubles. Toutes ces émotions étrangères la traversaient comme des courants galvaniques, mettant ses nerfs à rude épreuve. Elle commençait à douter du bien fondé de sa démarche lorsqu'enfin, au quatrième ascenseur, elle reconnut le signalement. Vigilance, méthode, nervosité. Ophélie tenait ses voleurs. Il lui fallait maintenant affiner sa lecture et déterminer à quel palier exactement il s'était rendu. Elle sonda une seconde fois le levier, remontant le cours du temps jour avant jour, semaine avant semaine, mois avant mois. Dès qu'elle retrouva le signalement, elle s'immergea aussi profondément que possible dans l'esprit des voleurs. Enfin, le dernier. Trop encombrant ces matelas. Pensez à la prime. Plus que 3. Encore les ouvriers, ils râlent. On les met en retard. Pensez à la prime. Plus que 2. Zut, des ouvriers. Pas la place de tous monter. Pensez à la prime. Allez, le premier. Profitons-en, la voie est libre. Pensez à la prime. Ophélie relâcha le levier et tous ses muscles par la même occasion. L'effort de concentration lui avait donné la migraine, mais elle avait suffisamment de matière pour reconstituer la scène. Elle examina le cadran en demi-lune de l'indicateur d'étage qu'elle avait observé à travers les yeux de ses voleurs. Ils avaient fait 4 allers-retours, 1 par matelas, entre le 25e et le 13e sous-sol. Elle ferma la grille d'ascenseur et enclencha le levier pour suivre le même itinéraire. Le 13e sous-sol inspira une impression de déjà-vu à Ophélie. C'étaient les mêmes ruelles sombres, les mêmes canalisations malodorantes, les mêmes vapeurs humides qui régnaient dans l'ensemble des bas-fonds, et pourtant, elle avait le sentiment familier d'être déjà venue ici. D'après la brochure, il n'y avait qu'une seule correspondance pour cet étage. Or, quand Ophélie procéda à une lecture minutieuse de la cabine d'ascenseur suivante, elle ne retrouva plus le signalement. Le mélange caractéristique de vigilance, de méthode et de nervosité avait disparu. Ce phénomène ne pouvait s'expliquer que par un changement d'état d'esprit radical. Les voleurs s'étaient débarrassés de leur cargaison, ici même, entre les 2 arrêts d'ascenseur. Ophélie sentit son cœur battre comme un métronome, une pulsation pour la joie, une pulsation pour la peur. Elle redescendit prudemment la rue, passant en revue les vitrines enfumées. Malgré l'heure tardive de la nuit, elle pouvait deviner des silhouettes en plein travail au milieu des jets d'étincelles et des nuages de fumée. Où les matelas avaient-ils été livrés? dans cette fonderie de plomb, dans cet atelier de porcelaine, dans cette usine à gaz. Ophélie s'arrêta devant une façade aux lanternes rouges éteintes et aux vitres ensevelies sous les vieilles publicités. Ce n'était donc pas une impression, elle était déjà venue ici. Les délices érotiques, l'imaginoire que Cunégonde avait fermé pour cause de faillite. La cachette idéale. Il n'y avait personne de part et d'autre de la rue embrumée. L'idée d'entrer là-dedans toute seule lui asséchait la bouche, mais le temps était compté. Son écriture trembla quand elle gribouilla une nouvelle note à Renard avant de la glisser dans son miroir de poche. Imaginoire, lanterne rouge, 13e sous-sol, je jette un coup d'œil et je reviens. Ophélie s'était préparée à devoir entrer par effraction, aussi fut-elle déconcertée de sentir la porte céder sur une simple poussée. C'était la première fois qu'elle découvrait un imaginoire de l'intérieur. L'éclairage était uniquement dispensé par les guirlandes de lanternes au plafond, probablement des illusions de secours en cas de coupure du gaz. Tapis rouge, tenture rouge, velours rouge, capiton rouge, escalier rouge, le hall donnait l'impression de pénétrer dans un univers organique. Pour le moment, Ophélie ne voyait ni matelas ni disparu nulle part. Elle s'avança discrètement vers le comptoir de l'entrée et décrocha le combiné du téléphone. Aucune tonalité. Ophélie calma son écharpe qui battait nerveusement l'air. Elle devrait bel et bien se débrouiller seule. Des panneaux en forme de longs gants rouges pointaient tous vers l'unique étage de l'imaginoire. Ils portaient des titres suggestifs, vraisemblablement des noms de salles. Le gentilhomme à l'éventail, la contredanse des mains, les bas de velours noir, trois dames vues de dos. Ophélie prit l'escalier de gauche. Celui de droite, effondré à cause de l'humidité, avait été condamné. Si l'étage baignait dans la même pénombre douce que le hall, son atmosphère était très différente. De grandes statues de marbre blanc aux corps nus et aux visages masqués encadraient quatre portes noires. Les lanternes projetaient leurs ombres dédoublées et distendues sur un labyrinthe de paravents. Ophélie se faufila entre les paravents de la galerie centrale. Chacun d'eux était une œuvre d'art où des illusions coquines adressaient des clins d'œil aux visiteurs, dénudaient une épaule ou envoyaient des baisers du bout des doigts. Elle s'approcha de la porte du gentilhomme à l'éventail. Un frisson de malaise la parcourut lorsqu'elle aperçut, sous les masques, les yeux des sculptures qui suivaient ses moindres faits et gestes. Elle sortit le monocle de Gaël et le colla contre ses lunettes. La réalité reprit aussitôt ses droits, réduisant les illusions à l'état de pâles images en filigrane. Son monocle rangé, elle ouvrit la porte et entra sans un bruit. À peine Ophélie posa-t-elle les yeux sur la salle obscure que sa migraine s'intensifia. Ses pensées s'embrouillèrent comme un enchevêtrement de fils, au point qu'elle se prit les pieds dans les coussins amoncelés sur le sol et se retint de justesse à un guéridon, renversant le vase de fleurs artificielles qui était posé dessus. Elle tourna un regard hébété autour d'elle. La pièce n'était qu'un amas fluctuant de coussins, de guéridons, de tapis, de tentures, d'ombres et de lumières. Ophélie ne se rappelait plus pourquoi elle était entrée ici, mais elle eut la vague intuition qu'il était préférable d'en sortir. Cramponnée à son guéridon qui prenait de plus en plus une consistance gélatineuse, elle chercha la porte sans parvenir à la trouver. La pièce était soudain devenue hermétiquement close. Elle chercha un miroir dans la salle avec le sentiment déplaisant de traverser d'interminables sables mouvants. Butant contre un polochon, elle tomba de tout son long si profondément ahurie qu'elle ne prêta aucune attention à l'explosion de douleur dans son bras. Après plusieurs battements de paupières et quelques contorsions, Ophélie dut réviser son jugement. Ce n'était pas contre un polochon qu'elle avait buté. C'était contre un homme à longue barbe et en peignoir de satin. Que faisait donc le comte Harold endormi dans un endroit aussi peu commode? Au fond, il avait raison. Cette mer de coussins était beaucoup trop houleuse, mieux valait rester couchée par terre. Ophélie serait demeurée longtemps ainsi, étendue sur le tapis, les yeux au plafond, si son écharpe n'avait entrepris de la gifler jusqu'à déchausser ses lunettes. « Le monocle, » pensa-t-elle mollement, « je dois mettre le monocle. » Elle fouilla sa poche, ferma son œil droit et enfonça la lentille noire dans l'autre orbite. Alors que le monde autour d'elle s'obscurcissait, ses pensées se clarifièrent au contraire et le sol retourna à l'état solide. Des illusions capables de provoquer les mêmes effets qu'une ivresse alcoolique. Cunégonde lui avait déjà parlé de cela. Cet endroit était une bulle de confusion. Ophélie s'agenouilla auprès du comte Harold, étendu au milieu des coussins, et l'examina du mieux qu'elle put à travers les opacités conjuguées du lieu et du monocle. Les paupières tatouées du mirage étaient closes. « Monsieur le comte !» murmura Ophélie. Il ne répondit pas, plongé dans une profonde léthargie. En quelques coups de monocle, Ophélie constata qu'il bénéficiait ici de toutes les commodités. Les guéridons étaient chargés de livres, de tabatières, de bonbonnières, de carafes d'eau et de bouteilles de parfum. Il y avait dans cette mise en scène quelque chose d'excessivement prévenant, d'ironiquement raffiné, qui lui glaça le sang. Elle aperçut une couchette à même le sol, probablement l'un des quatre matelas volés. Elle en eut la confirmation quand elle distingua, suspendu au-dessus du lit, tel un mobile de berceau, le sablier bleu qui lui correspondait. Sans un minimum de lucidité, il était impossible de l'atteindre et de le briser. Quant à la porte, Ophélie comprenait maintenant pourquoi elle avait cessé de la voir en entrant dans la salle. Le monocle lui permit de mettre au jour, en léger filigrane, l'illusion de mur qui la camouflait. Le comble de la perversité. « Monsieur le comte, répéta-t-elle, vous m'entendez ? » La longue barbe blonde du mirage ne frémit pas d'un poil. Cet homme était peut-être dur d'oreille, son manque de répondant était préoccupant. Tout en veillant à maintenir son monocle en place sous ses lunettes, Ophélie pencha une oreille jusqu'à sa bouche. Il ne respirait plus. Ophélie sentit son propre souffle s'affoler. Était-elle arrivée trop tard ? Le comte Harold ne portait aucun signe de blessure ou d'agonie. Avait-il succombé au choc de l'illusion ? Avec des gestes désordonnés, elle se déganta et prit le pouls au poignet puis au cou, mais elle dut se faire une raison. L'ancien tuteur du chevalier était mort. Et il était mort récemment. Sa chaleur corporelle en témoignait. Ophélie se releva. Elle ne pouvait plus rien pour lui. Mais il lui était peut-être encore possible de sauver les autres. Elle se rendit à la deuxième salle obscure. La contredanse des mains. Maintenant son monocle entre le pouce et l'index, Ophélie prit cette fois le temps d'étudier les lieux depuis le seuil de la porte. Il ne restait plus rien de ce qui avait dû être l'ancienne salle de projection. Chaque recoin avait été dépouillé du moindre reliquat, réel ou illusoire, de libertinage. C'était le même décorum respectable que chez le comte Harold. Une profusion de fleurs, de tabatières, de confiseries, de coussins, de livres, de flacons et, narquoisement suspendu au-dessus d'un matelas, hors de portée, un sablier bleu à retournement automatique. Malgré le monocle qui filtrait l'illusion, Ophélie pouvait ressentir une lourdeur dans l'atmosphère qui lui faisait bourdonner le crâne. Une autre bulle de confusion était à l'œuvre ici. Se retrouver piégé dans ce délirium très mince perpétuel au milieu de ces mille et une délicatesses, c'était une torture pire que n'importe quel châtiment corporel. Ophélie accourut quand elle aperçut un homme effondré sur un guéridon. Elle ne reconnut pas son visage, mais il portait le tatouage des mirages sur ses paupières fermées. Probablement le prévôt des maréchaux, la première victime des enlèvements. Il ne respirait pas non plus. Cet homme était mort, sans une trace de sang, sans un signe de lutte, comme une marionnette dont on aurait simplement coupé les fils. Et pourtant, sa peau était encore chaude. Ophélie s'éloigna avec une extrême lenteur, la paume plaquée sur la bouche pour réprimer une bouffée de panique. Ce n'était pas par négligence que la porte d'entrée avait été laissée ouverte en bas. Il y avait quelqu'un d'autre dans l'imaginoire en ce moment même, quelqu'un venu spécialement pour achever les prisonniers. Elle quitta précipitamment la contredanse des mains, se faufila entre les paravents et s'engagea dans l'escalier, prête à mettre le plus de distance possible entre elle et cet endroit. Elle s'immobilisa au milieu des marches. Son corps entier la poussait à s'enfuir, mais elle ne pouvait s'y résoudre, pas si proche du but. Renoncer maintenant, ce serait abandonner à la fois Thorne et Archibald. Archibald, il était forcément ici, dans l'une des deux salles restantes. Avec d'infinies précautions, se préparant à déguerpir au premier bruit suspect, Ophélie remonta l'escalier et poussa la porte des bas de velours noir. Elle observa les lieux à travers le prisme de son monocle. Cette salle était en tout point pareille aux deux autres. Son sang ne fit qu'un tour quand elle découvrit, au milieu des guéridons et des coussins, un corps avachi au fond d'un fauteuil, la tête pendant sur le côté. Archibald. Dans sa précipitation, Ophélie manqua de renverser un tourne-disque. Elle dut s'accroupir devant le fauteuil pour distinguer le visage de l'ambassadeur écroulé sur l'épaule, derrière l'entremêlement des cheveux pâles. Il avait une mine effroyable. Ophélie le secoua si fort qu'elle faillit en perdre son monocle. « S'il vous plaît, chuchota-t-elle, soyez vivant, je vous en supplie. » Un bras se décrocha de l'accoudoir et tomba mollement dans le vide. Archibald ne se réveilla pas. Ophélie chercha fébrilement son pouls. Si elle était arrivée trop tard pour lui aussi, jamais elle ne se le pardonnerait. Elle étouffa un hoquet de soulagement. Son cœur battait encore. Faiblement, mais il battait encore. Archibald avait survécu à l'assassin de l'imaginoire et à la rupture du lien avec la toile. « Je vais vous sortir de là !» lui promit Ophélie. Elle chercha dans le fatras de coussin le matelas par lequel Archibald avait dû arriver ici. Maintenir son monocle en place tout en gardant l'autre œil fermé devenait de plus en plus difficile. Ophélie trouva le matelas, mais il lui fallut quelques recherches supplémentaires pour repérer le sablier dégoupillé. Il avait roulé sur le tapis. On n'avait apparemment pas eu le temps de le suspendre au-dessus de la couchette comme cela avait été fait pour les autres. Ophélie brisa le sablier, le corps d'Archibald disparut du fauteuil. Restait à espérer qu'on ne tarderait pas à le trouver dans sa chambre au clair de lune pour lui donner les premiers soins. Avec un peu de chance, son témoignage serait décisif pour permettre d'identifier le maître chanteur. Ophélie glissa les débris de sablier dans sa poche de robe pour une future lecture. Peut-être lui permettrait-il aussi de remonter jusqu'à la source. Restait M. Tchekhov dans la dernière salle. Ophélie aurait-elle le courage d'essayer de le sauver lui aussi? N'était-il pas préférable de partir au plus vite, tant qu'elle le pouvait encore? Ophélie traversa la salle obscure sur la pointe des pieds, se glissa dans l'entrebâillement de la porte et se dissimula à la faveur des paravents en se faisant plus petite que jamais. Toutes ces précautions s'avérèrent superflues. Une silhouette en forme de montgolfière lui bloquait le passage. « Mademoiselle la grande liseuse familiale, » soupira le baron Melchior. « J'aurais vraiment aimé nous épargner cette situation. »